et qui connaît notre musique. À part des vrais connaisseurs, ces derniers vrais connaisseurs deviennent vite des vrais carotteurs. Trop de respect pour la taronne, pour mettre des poufs dans mes clips. J'ai qu'une parole, c'est faire mon job de MC. C'est la crise et les poches sont vides. Ça parle en yaska, plus de valeur et plus de principe. Prêt pour te racler le mental d'une carabine. Je combattrai tout ça, chante pour les peuples et pour ma clique. One of Africa, je vais les coucher, coucher. Parce que j'ai le flow qui renverse, je vais les toucher, coucher. Parce que j'ai des messages sincères, je vais les choquer, choquer. Parce que j'ai la plume qui progresse, je vais leur prouver, prouver. Parce que j'ai des mots qui transpercent. Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire. Et que certains cessent leur bluff, dans leur ville se chie dessus. On construit pas une carrière dans une salle de muscu. J'avais Ayam NTM comme repère textuel. Y'a que des swaggers, peu de lyricistes. Voilà le new rap game. Essaie déjà d'être un bonhomme avant de viser la légende. Depuis quand on fait ses lacets avant de marcher sur ses jambes. Il manque fort, normal que ma vérité ne s'entende pas. J'rappe fort, j'honore mon job de MC. C'est la crise et les poches sont vides. Y'a plus de vrais gars, plus de valeur qu'il y a du liquide. Y'a plus de famille, y'a plus de respect, plus de modestie. Chacun fait ses choix, j'viens chanter pour ceux qui m'estiment. J'suis parti d'en bas, j'vais les coucher, coucher. Parce que j'ai les flots qui renversent, j'vais les toucher, toucher. Parce que j'ai le message sincère, j'vais les choquer, choquer. Parce que j'ai la plume qui progresse, j'vais leur prouver, prouver. Parce que j'ai les mots qui transpercent. Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Biggie, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire, MC, légendaire. Plus éclairé que Planète Rap. Voilà. Anyhow. Miraculeux. Cornus. La mort. Ouchichi. Et Rap Bizer. Ouchichi. Street Loser. Roulez. Âme personnelle, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Appelle le 18, appelle le 17. Rapper comme ça c'est vide. J'en m'habite comme j'en m'habite. La drogue a fait des ravages sur nos terrains vagues. L'outil perd à pas sa dette. Il nous faut sa dette sur une terrasse braquant le R à pas. J'ouvre les gangs, ça rappe le mec en place. En face t'as des vrais rapaces. Comme les grosses vaffes à ton papa. Quand on arrivera tu nous verras pas. J'ai changé de puce, fils de pute. Tu pourras tous nous mettre sur écoute. Garde la pêche, avale le noyau. Meurs sur le coup. J'tire pas sur eux, j'leur mets des cloches. Y'a que pour l'oseille que je déplace. Moi j'leur parle de faire du cash. Et ils me parlent de faire des cloches. N.I.R.O. K2Z, tu l'attendais, maintenant tu l'as. Tant t'es musclé, mashallah. Nous on est armé comme le Hezbollah. On veut la beuh, l'argent de la beuh. Nique sa grand-mère à la crémière. Si je te fends la chatte en deux, quelle lèvre va tomber la première. Oula. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Un personnel c'est que du business. La mao tchèche. La mao tchèche. La mao tchèche. La mao tchèche. Un personnel c'est que du business. Les points plus grosses que la boîte de business. Lève le troisième doigt pour les juges de prod et les forces de l'ordre. Si j'ouvre la bouche, ce sera seulement pour vous mordre. Ils ont rien d'autre à foutre, c'est ouf, ils s'ennuient. C'est pas encore le jour de l'an, ils ont déjà la fouf qui s'enluit. Un arc-en-ciel de billets aux couleurs bariolées. J'arrive pas à allumer ma clope car j'suis en cabriolet. Moi je sais pas faire semblant parce que j'suis un vrai négro. Si je retire mon masque, j'vais m'arracher la peau. T'as la chemise sous le legging, j'ai les pecs sous le gilet. Les épaules telles un viking et la gaule telle un mulet. De 7, j'veux des pains dans le jacuzzi, 5,65 dans le magasin du Uzi. Trouve-moi un repère des racailles, si j'veux boire mon esper à la paille. La hagla, paye si t'es un logo, tu nous connais, Michton, Sus. Pareil, ce sont des robots siliconés. J'serai dans le VIP Sista, bouteille de sirop fraîche dans le seau. Bois tété les gros seins du Cheetah à la crèche du zoo. Est-ce que vous êtes un personnel, c'est que du business. Un personnel, c'est que du business. Les bruits plus grosses que la boîte de vite. Un personnel, c'est que du business. La main au Dieu. On a dépassé trop long nos équipes, on est passé trop lourd. Vrai, reconnaisse, vrai, appelle-moi t'es qui, je te reconnais pas, c'est chelou. On a dépassé trop long nos équipes, on est passé trop lourd. Vrai, reconnaisse, vrai, appelle-moi t'es qui, je te reconnais pas, c'est chelou. Un personnel c'est que du business. Un personnel c'est que du business. Du business. 17-0 Niro, Caris, N-I-R-O. La mort au tchitch. Thérapie 4124 B-L-O-I-S. Scénario Street Law 2-7 La mort au tchitch. 100% rap français. 100% explicite lyrics. Avec Six alias Sico MC, nouveau son. Handicaps, The New Flame. À découvrir dans la nocturne maintenant sur Skyrock. Nouveau missile pour ceux qui soutiennent que le reste aille se faire foutre. Des rappeurs français, je les shoot. Je veux personne en fit en bas et soul. Vas-y, paye, paye moi mes efforts. J'ai mes raisons, t'as des torts. Je creuse pour trouver la bench comme pour cacher le corps. Y'a pas de thème que de la fusée. Mon flow est plus recherché qu'un killer, c'est Didier. Tu piches les sangs parce que t'as parlé, j'ai agi. Mets-toi un doigt dans le boule si tu veux stopper l'hémorragie. Ils parlent de carrelage plus que les grands voyous. Pourtant ça se fait clash et même voler du cash. Mais ça fait ouais loup. Tu ferais mieux de minimiser ce que t'as dans le froc. Tout le monde te regarde parce que tout le monde attend ton flop. Au-dessus du lot, je te demande pas de qualité. Je te fais un incendie, choqué de Johnny Hallyday. Allez, tous au bois. Allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Ça crie oh merde. Revoir la maison, merde. Sans foire et de six, va encore nous monter en l'air. Allez, tous au bois. Allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. C'est fait m'envoir le micro afin d'éliminer tous ces mythos. Crochet droit et kick dans les chicots. On ne les reverra pas de sitôt. Je bluffe pas, tu vas te faire fumer. 9-4 Bécani immatriculé. Ta défaite la plus acidulée. Même là, je me dis, vas-y, tue-les. Rap vite, n'oublie pas d'articuler. Wesh, les auditeurs n'ont rien piché. La vapeur, je suis venu faire basculer. Statique, le game va rester figé. Putain, j'arrête pas de te maîtriser. J'arrête pas de les briser. Excalibur, j'arrête pas d'aiguiser. J'parle de qui s'est senti visé. Au-dessus du lot, je te demande pas de qualité. Je te fais un incendie, choqué de Johnny Hallyday. Allez, tous au bois. Allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Ça crie oh merde. Revoir la maison, merde. Sans foire et de six, va encore nous bouger en l'air. Allez, tous au bois. Allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Je mets tout toute ma chura comme une série de middle dans un pas haut. Sa méchance c'est six, va encore nous monter là-haut. Voilà avec les secs du Mali, bas les coudes de la scène et ça haut. Tu me croyais loin du but, frappe d'enculé à la Saro. Tu veux m'attraquer, t'as de mer, mes bombes en CRM. Formaté, censuré, ton rap de bâtard à l'aimer. À part ma putain de mâchoire, personne ne m'a fait qu'est gros. Celle qui jugera ce que j'ai kické ou trafiqué au okay, gros. Pareil qu'il y a du progrès, que le projet est très gros. Toujours frais de vrai, je reste le même de loin ou de près gros. Vos carrières à l'arrêt, je vous pisse à l'arrêt. Et je terminerai vos silhouettes au muspère si j'ai plus très gros. C'est de l'eau, je te demande pas de qualité. Je te fais un incendie, choqué, je n'ai pas l'idée. Allez, tous au bois, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Ça crie en mer, revoir la maison, mer. Sans foire et de six, va encore nous monter en mer. Allez, tous au bois, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. Allez, allez, allez, tous au bois. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Spike le mec. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville Zen. La belle ville Zen. La belle ville Zen. On a bu 12 packs. Roux avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Mzingaland, tu connais? Tienjaouid, soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval capri sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la cour. Neuf à 200, on sourit au flash. Permis bien des commons. Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs, au cul où on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénéfice du shit, cherche à devenir official. J'ai bisculaire pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le m'sango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville Zen. La belle ville Zen. La belle ville Zen. On a bu 12 packs. C'est la haisse, je pas gagné en espèce. Ray de cesse, here we go, bastos dans la fortasse. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai de la reprise comme un comptage. Rabat, Tupac, Malaga, Marseille, go fast. Tu payes pas, chaudasse. Tu dis que c'est ta hlel, mais c'est une chaudasse. C'est un choix de vilain. Un choix de vilain. Un choix de vilain. Un choix de vilain, je me lève à 15h d'après. Soirée passée, crème sous tombée. Encore ballonné, j'affronte les problèmes, m'inganté. J'fais que Salomé, j'baroute en paquet, me suis chargé. Pas tant de somnolé, sa mère la BLM, wow. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville Zen. La belle ville Zen. La belle ville Zen. On a bu 12 packs. Va les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goule le Polyakov, sa bibi non-stop. Et coupe-gorge, carte, non, la poule aux yeux d'orchis des lingos. Choufanigo, chip de bingo, hasta luego. Dans les bois, je barbac, barbac. Casque, shark, pollen, jack, day de jack. Soirément, jack, avec Yves et Jacques. Polo, black, jean, black, toad, black. Chrome, black, roof, black, auto, black. All black, tout est black. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. Tiens-moi du bisap. La belle ville Zen. La belle ville Zen. La belle ville Zen. On a bu 12 packs. La belle vie d'Alonzo. Les psychiatres à l'instant. Le EP s'appelle La belle vie aussi. Il y a 4 morceaux dessus. Un morceau qui s'appelle Bellucci. À la Daft Punk et Boîte à chaussures. Et là on écoutait à l'instant donc La belle vie d'Alonzo. Sur Skyrock, la nocturne 100% rap français qui continue maintenant avec Nord. Planète rap. 100% rap français. NOR, remix Bad Boys de Marseille. Marseille, sa production, signore. on ne vit qu'une fois. Faut prendre du bon temps et des millions d'euros pour soulever la coupe, comme pas sur les Marseillais à Rio. Soleil sur les épaules, grosse bécane, on décolle. Maquillé comme des voitures volées, tu reconnais nos cagoles. Où qu'on aille, ouais, le monde est à nous. N'écoute pas ce qui se dit la nuit, chérie, y'a que des Serge Benamou. La tcha-tcha Tony, y'a que des Totorina. Les chaouettes font plus de bruit dans les virages. Et tout le monde flambe pour la plus bonne, quitte à fumer le salaire. Un peu comme tous ces foutus touristes, on aimerait trouver la bonne mère. Fais pas le mec qui brasse des tonnes, elle va te garer. La concurrence, on la laisse sous le jarret. T'es au courant d'un soir, comme des requins derrière l'oseille. Tu reprends des valises, tu débarques. Tire le flop pas au tapis, vodka chicha collé au bec. Des voyous et des barreaux, l'étoile sous le maillot, des quartiers dans le radeau. Tu reprends des valises, tu débarques. Sors le rose et tout s'affaler sous le soleil. On est sous le soleil de Marseille. Et tout se passe ici, lunettes de soleil. Bord de mer, y'a bon pour tous mes guiris. Fais pas le malin, parce que t'as le vice, on a les outils. Mets-toi en mode, laisse tomber tout ce qui est immonde. Guiri, respecte tout le monde. Respecte tout le monde. Respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Compte sur personne, compte que les grosses sommes. Pense qu'à faire des lovés ou se poser pour se mettre stone. Wesh le sein, wesh la zine. On est posé dans la piscine. Wesh le sein, wesh la zine. Y'a du rosé et de la résine. Ok, yeah. Marseille c'est un délire, tu sers. Terrasse resto, tu me sers. Limoncello, cul sec. Un cortège sort du quartier. Autoroute A7. Torse nu dans la caisse. La serviette sur le siège. Ambiance parasol. Empêqué sur les rochers. Soleil dans le dos. Accroché. Barbec, viande en brochet. Que des concours de mots. N'insulte pas les morts. C'est un délire, c'est un autre monde. Bienvenue dans les quartiers nord. N'essaie pas de nous emboucaner. On fumait toute l'année. Marseille tu connais. Marseille tu connais. Moi je le sens. Wesh la zine, c'est nous les bad boys, c'est nous les bad boys de Marseille. Et on tourne le soir comme des requins derrière l'oseille. Tu reprends des valises, tu débarques. Tire le flop pas au tapis, vodka chicha collé au bec. Tu reprends des valises, tu débarques. Des voyous et des barreaux, l'étoile sous le maillot, des quartiers dans le radeau. Tu reprends des valises, tu débarques. Et l'été sort le rose et tout s'affaler sous le soleil. Tu reprends des valises, tu débarques. Je reconnais le style des bad boys. NOR dans l'iPod, au mic j'pose. M'éloigne des sales drogues, des chemises, des flash boys. Lâchement mania, c'est avec la fierté qui se monnaie pas. Ici la vie se paye au prix fort, aussi fort que le soleil frappe. Croire en soi, tous les jours, faire son billet sous les tours. Rêver de piller tous les bourges, tout gaspiller pour les couses. Bad boy, que voulez-vous? On pousse là où on nous plante. Dans le bloc ou dans les bacs, espérer des records de vente. Tant que ce que t'as dans le ventre, c'est ce que m'ont dit les anciens. Qu'on parle en mal ou en bien, qu'on soit en place ou en chien. Un croix plaque et le rap et des traces. Et je vais me braquer les braques et déployer mon arme et écraser les nazes et faire parler les siens. Laissez passer le bad boy. Mec d'enfile qui vise le pactole. Un soldat à chaque porte, on mise tout pour le jackpot. C'est la gliade de Marseille à Marignane. Un cigare de marijuana et je freestyle sur du Barry White. Tu vends la machin, claque la maille dans les machines à sous du casin. Tu perds tous tes moyens quand elle t'ouvre son vagin. Pour du cash ou des cachetons, j'avoue, c'est malsain. Ou plutôt c'est Marseille. Bouteille de Jack all time dans ma tête, c'est le bazar. Pourtant on n'est que de passage, c'est l'air belle. Moi je me réveille à n'importe quelle heure et je fais tapiner Bella sur les plages de Marbella. Tu reprends des valises, tu débarques. Comme des requins derrière l'oseille. Tu reprends des valises, tu débarques. Tire le flop pas au tapis, vodka chicha collé au bec. Tu reprends des valises, tu débarques. Des voyous et des barreaux, l'étoile sous le maillot, des quartiers dans le radeau. Tu reprends des valises, tu débarques. L'été sort le rose et tout s'affale sous le soleil. Toujours entre la furie et la foi. Ok, tu le connais, le schéma nord. Les petits développent leur troisième œil pour arracher les chaînes en or qui brillent. Ouais, c'est le Hella, ici c'est rude. Les gars, on rit pas depuis Relaifi. Je vois même dans les rues le maillot Jibra. Les quartiers deviennent des sales zones, des cartels. Tout comme à Baltimore, chacun son Avon, backstage. Pendant que certains s'éventent pour de la coke ou de la zèbre. Moi, je m'éclate le ventre avec un calzone de mon casseb. Ras-le-bol de tapette. Des cagoles qui se la pètent. Des règlements de compte en mode Black Ops. C'est grave mec. Ce vêtement de foot Azix. Sacoche, lamelle. Tu reconnais bien là les nouveaux bad boys de Marseille. Et on court tard le soir comme des requins derrière l'oseille. Tu reprends des valises, tu débarques. Tire le flop par au tapis, vodka chicha collé au bec. Tu reprends des valises, tu débarques. Des voyous et des barreaux. L'étoile sous le maillot, des quartiers dans le radeau. Tu reprends des valises, tu débarques. Sans le rose et tout s'affaler sous le soleil. Tu reprends des valises, tu débarques. Planète Rap. 100% rap français. Après le remix de Bad Boys de Marseille, le remix du 9-4, c'est le Barça. On va aller du côté de Grenoble avec Bash maintenant. 3-8, c'est le Barça dans la nocturne. 100% rap français sur Skyrock. Grenoble, c'est le Barça. C'est le Barça, devine qui arrive en 3K. Personne nous dit crochetin. 3-8-6, crochetin. Talonnade, Magier, 16-9ème, 4-tier. J'vais réussir sans Lova, sans Tito Villanova. Passement de jambes, double contact. Zlatan, on back. Vision, au back. Punchline de Bosniak. Dans ta clique, t'es Hassa. Non, pas vrai, t'as ça. Grenoble, c'est pas Gaza. Mais 3-8, c'est le Barça. De longue date, les petits ont 9 mm et une liste de contacts. Dans la surface, on tacle, manque de respect, on tacle. C'est rodave que tu bluffes, même avec les bonnes cartes. J'illumine la vermine, j'ai leur fait lever les bras. Fais regarde, casser leur coupe, casse d'opus, les barras. Force les barrages, bon débarras. T'as loué la Ferrari, mais bon, t'es resté par là. De la White Widow, mixé dans la massa. Tu vas décoller plus haut, une fusée de la NASA. T'as les dents couleur pisse et les yeux magenta. Tu connais les règles, fils, t'appelles pas les gendarmes. D'armes, on n'est pas des gens calmes, calme. Ça va finir un drame, drame. Ça t'a plus que le prime, prime. T'es pas vendeur, t'es gain, cry, cry. Comme un loup, j'ai loupé l'école du premier coup. Je voulais des sous, trop, trop. Vider les bombes par les égouts. Habitant en banlieue parisienne. comme au Nigeria, je vais mienne. Tonton, je suis avec les neveux. Et je fais long comme une comme la mafia sicilienne. Eh oh, eh oh. Belle égale et Condé. Du trio de Janeiro. On n'a pas peur de tomber. C'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. L'Europe française me fait chier comme les vieux, j'écoute RMC au calme. Beaucoup de respect pour nos mères, donc on respecte les femmes. Plus on avance, plus ils ont mal. Ils veulent s'allier à mon image. Je vais les ignorer encore plus fort. Sous conseil de l'imam, je gère l'industrie comme une épicerie. Fort, fort, on paraît gentil, mais cacher la gentrie. Des rouleaux d'euros. Pour ma putain de mélodie, que j'efface mon passé maudit. Je suis tout seul, j'ai aucun lobby. La bagagerie est dans l'audi. Algeria, la Gomorra, grosse moustache, grosse gueule chat. 15 ans que je suis là, à Videra. Pas de gros terre, ma foire, derrière ma caméra. Là, eh oh, eh oh. Belle égale et Condé. Du trio de Janeiro. On n'a pas peur de tomber. C'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. Eh oh, eh oh. Belle égale et Condé. Du trio de Janeiro. On n'a pas peur de tomber. C'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. Rimka du 113 dans la nocturne 100% rap français. Vitrio de Rio. Vitrio de Janeiro dans la nocturne sur Skyrock. Les messages avec le hashtag la nocturne 41759. J'espère que vous êtes calés dans la bagnole un peu partout en bas de chez vous. Voici le son de la nocturne, celle de l'entourage. Ce titre extrait de l'album Jeunes Entrepreneurs, c'est maintenant. Il s'appelle Fou la merde le morceau. Pas de pute dans mon entourage. Eh, y'a pas de pute. Pas de pute dans mon entourage. Fous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Fous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Fous la merde. Pas de pute. Elle en l'air. Pas de pute. Pas de pute dans mon entourage. Fous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Fous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Fous la merde. Pas de pute. Elle en l'air. Pas de pute. Voir ton crew ça le pédale. Ça bouge à peu tout naze. Écoute, ça fait clair. Rien qu'on fait des classiques. Est-ce que le nom de mon camp, y'a que dans l'ombre qu'on tranche. Pour pas finir aux assises, souvent dans un camouflage vert kaki. L'ambiance est pourra bien détruire à sa viscère. Là oui, ici tu perds ta vie, on pique ta mère assise. Une bonne paire de Nike dans la tête, c'est facile. Le lust est entouré, donc on fait ça à notre manière. Bientôt le L est en tournée, donc prenez garde à vos arrières. Bitch. Et toi dis-moi pourquoi tu causes, on est au festival de Cannes, toi tu traînes à la foire du trône. A l'inverse de la langue française, je ne tolère pas de faux amis quand j'entre en scène. Je fais de gros dégâts donc on s'abrille, les vrais me reconnaissent, les autres connaissent de beaux habits. Rap, style, magie, c'est l'heure de la pète au tapis. Ils vont la faute à qui, si on parie trop la nuit, un jour un pari qu'on m'a dit. Si on salit trop la vie, plus tard j'ai pu le voir. On te crache dessus quand tu perds, on te suce la bite quand tu gagnes. Un billet pour le bagne, tel des discréés. Ici les amis qui y tournent mal pour le cash. J'crée des chansons inspirées par le gros shit. Et je sais que les gens sont guidés que par le profit. Pas de pute dans mon entourage. Sous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Sous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Sous la merde. Pas de pute. Elle en l'air. Pas de pute. Pas de pute dans mon entourage. Sous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Sous la merde. Pas de pute dans mon entourage. Sous la merde. Pas de pute. Elle en l'air. On vient vous la mettre sans stress. Ça fout la merde sans stress. Près de boule à Z, roule la Z. Serre un grand verre. On part tous avec des trentenaires, mlè. Vie de trader avec des jiggers. Et nos coups d'haleine te transperce, ça vient du bled. Ou bien des bas font de la jungle urbaine. Tiens, tu t'es. Face à l'escadron, tu n'as rien pu faire. Des insurgés qui font se mettre passe quand ça se passe. On n'aime pas quand ça passe. Une grosse passe dans ta face. T'es KGB, bébé. Pour caresser ta carte CB, faut pas rêver. Bébé. Tu vas apprécier d'être en mes pieds. Y'a des choses à se faire, la plupart des filles sont séduites par le mal. Fous la merde comme ça mine à série au festival de cœur. Fous la merde ouais. Dans ta ville mentale qui claque des gueules. Calme des gums qui regardent mal sale. Des tiers s'éclatent des keufs et fous la merde. Vas-y, vas-y, vas-y, fous la merde. Pour mes boucles la tête, qui te couche et te mettre des coups par terre. J'ai une tonne d'appels, j'pédare pas comme un barlet. Tu veux boire un bon coup, j'ai de la frappe, vodka pêche. Et c'est pas la peine, j'ai ton chat à fouetter. La mise, donc c'est pas la peine d'être là à souhaiter que j't'admire. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. T'es qu'un bouffon, va te quitter à petit tas, t'es dit. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. Espèce de barba, t'es qu'un petit plat. L'entourage, 2013, Paris. nord, sud, nord, est, ouest, jusqu'à l'infini, bande de petits putes. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Pas de pute dans mon entourage. Get it, check yo, check yo. Ando, ando. Rap français. 100% explicit lyrics. Nocturne. Nocturne avec Volteface et son morceau solo maintenant. C'est extrait de son projet dans les bacs. Face à Volt, je vois que ça s'affole. Tous les jours c'est l'insomnie, je ne dors pas. Si t'as un gun dans le froc, mais que t'as pas les couilles de tirer, ne le sors pas. J'ai quelques femmes et quelques fans, niveau buzz c'est pas encore ça. Si je galère, j'ai toujours le num de 2-3 chiennes dans mon portable. Je vis chaque jour comme le dernier, à la recherche de bif pour la Ronda. Pour elle, je peux finir enfermé, je sais qu'il y a que la mort qui m'écorda. Le manque de liquide me désaltère, un jour la mort est père qui slame. Je suis discret dans les affaires, y'a seulement Dieu et le soleil qui me crame. Seul dans la merde, seul quand les coffres te maltraitent. Seul dans mon corps, dans ma tête. Seul quand tes potes te la mettent. Seul, toujours seul, je les calcule, hop, j'ai la tête ailleurs. La vie c'est pas un jeu d'hasard, sur la vie de ma mère, je connais trop de gratteurs. Ne casse pas les couilles gros, j'ai d'autres choses à faire, la putain de ta sœur. Quand je vise ma proie, je ne la rate pas, tel un putain de chasseur. Je sors l'étendard, fuck les rumeurs et tout ce qu'on parle. J'arrive dans ce game, je repars en lambeau, j'appelle le 18 pour ton brancard. Yeah. Solo, solo, solo, solo. Fais ce que t'as à faire, au final t'es solo. Solo, solo, solo. Emmerde la terre entière, au final t'es solo. Raid à ton caractère, fuck les gens qui veulent ta perte. Ne lâche jamais tes rêves, même si t'as un genou à terre. Pense au futur, au présent, ne calcule pas les gens. Ils aiment pas le commercial, ça m'empêchera pas tes gens. J'ai commencé le rap, j'étais sans père, les gens me disaient t'iras nulle part. Aujourd'hui je perds, c'était qu'une grosse merde. La vie de ma mère, je me tape une barre. Je vous qui cache un calme freestyle, je me déplace plus pour moi nulle balle. Je retourne leur go pendant qu'ils fraillent ce soir, je peux ken, je me ravitaille. Ils veulent tous me voir chuter, ils veulent tous me voir lutter. Avec leur flow à 10 balles, j'ai vraiment pas de mal à les buter. Sans instrument, ils peuvent flûter. Jamais je ne patine. Si je fais l'amour à ton CD vierge, riche ta couche en 10 de platine. Parle pas, laisse te jacter. Parle pas, laisse te jacter. Toutes leurs rimes sont téléphonées. Ma gueule, je sais pas si t'as capté. J'peux michetonner une michto. J'suis pisté par la lispo. Pétasse, tu veux toujours ma queue. Elle n'est toujours pas dispo. Pourquoi tu joues les 6 gros? Viens me voir, j'ai le flow qu'il te faut. Pleure pas si t'es au mitard. Si l'argent tu l'as pris tôt. J'm'en bats les couilles de qui m'cause. J'suis de retour, j'retourne au combat. Ne cherche pas qui sont les vrais. Recherche plutôt ceux qui le sont pas. Solo. Solo. Solo. Fais ce que t'as à faire, au final t'es solo. Solo, solo, solo. Emmerde la terre entière, au final t'es solo. Raid à ton caractère, fuck les gens qui veulent ta paire. Ne lâche jamais tes rêves, même si t'as un genou à terre. Pense au futur, au présent, ne calcule pas les gens. Ils aiment pas le commercial, ça m'empêchera pas tes gens. Passe à vol, ils sont pas prêts. Si t'es choqué, c'est normal. J'ai rien fait encore. La Kimitra Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Big Flo et Oli, c'est que ça leur projet de track, c'est ce qu'on écoute maintenant dans la nocturne. Mais si bloque, c'est avec. J'ai vu l'ennui dans les écoles, les jeunes qui picolent, lol, les heures de colle, une taf, tu décolles, tu déconnes, t'es trop bonne, on en fait toujours des tonnes, tu m'étonnes, mal ce que ça donne, je ne vois que des clones, la journée je m'ennuie, donc le soir je m'enivre, je raccourcis ma vie pour avoir l'impression de vivre, on rêve déçu et ça on veut le permis port d'armes, j'ai vu des larmes couler pour un portable, insupportable, on t'aime pas si tu suis pas la norme, pourquoi tu ne vois pas, si tu ne vois pas t'es pas un homme, faire semblant, voilà le nouveau credo. J'échange mes neurones contre des bédos. Sur le ring, on veut tous être les kings. Hier, j'ai vu mon reflet déformé par le bling bling. Rempli de clichés, on veut se cacher. Cherche un monde meilleur avec des cachets. Ok. Jeunesse Dolce, Louis Gucci. Jeunesse gâchée, habituée au gâchis. On fait pas gaffe alors nos copines sont en cloque. Les sourires jaunes comme nos dents à cause de la clope. Dans les familles, frères et sœurs ne s'entendent plus. Plus d'histoires de cœur que des histoires de cul. Nos parents se déchirent avant ils avaient l'air si sûrs d'eux. Donc on croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Les filles sont des femmes, le prince est devenu fêlé. On veut tous être des stars comme on voit à la télé. Vivant dans le ciment, nos sentiments sont emmêlés. Plus d'enfance depuis longtemps, notre innocence est sous-scellée. Une corde, un coup, un tabouret qui tombe. Une famille, des amis, des larmes, une tombe. C'est le raccourci de l'âme, des exclus, des cœurs brisés. C'est le corps qui lâche, émotions non maîtrisées. On se moque d'un faible pour se croire fort. Parce qu'il est pas comme nous, parce que se moquer c'est à la mode. Mais un jour la haine déborde, marre d'être la risée. Alors on entend des coups de feu dans le lycée. On se maquille, on se déguise, on veut faire vieux. On veut faire comme les autres, on pourrait tellement faire mieux. C'est l'effet de groupe malheureusement. Ça commence par tes pas cap, ça finit par un enterrement. Jeunesse influençable, en zig, en sable. Problème de santé normal, y'a le mal gros dans le sac. À 15 ans déjà en boîte, on s'en fout, nous on s'éclate. D'abord on s'aime puis on se casse. Derrière nos vices, nous on se cache. Jeunesse influençable, en zig, en sable. Problème de santé normal, y'a le mal gros dans le sac. À 15 ans déjà en boîte, on s'en fout, nous on s'éclate. D'abord on s'aime puis on se casse. Derrière nos vices, nous on se casse. Lointaine est l'époque des Lego. Les enfants sont tombés bien bas, donc on comprend que les parents tombent de très haut. On cache nos pleurs et l'odeur de la clope au déo. Dans les vapes, on étouffe nos peurs, on entasse nos mensonges et nos mégots. Faut être honnête, on parle plus à nos mères, mais on partage tout sur internet. Un nuage de fumée devant l'Elysée, voilà le décor, tous déguisés. La débilité bat des records, la mode n'épargne personne, je te l'accorde. Les filles en manque de love, sous alcool dans leur corps. Même le marchand de sable ne trouve plus le sommeil. La jeunesse dorée étale son argent et bronze au soleil. On recherche tous l'ivresse, qu'importe le flacon. Roméo est sorti, Juliette fume sa clope au balcon. Seul le soir, au départ, c'était boire. Juste des fois devant le miroir, tous des pantins à la gueule de bois. Je rentrerai pas à la maison, le sexe a mis l'amour en prison. Leur jupe courte en disent long. La princesse boit en haut de sa tour, elle se sent bien seule. Ici les crapauds ne sont jamais devenus des princes. Les cœurs se ferment, les corps grincent. Modèle de minceur, si je rêve qu'on pince. L'avenir coince et dans l'ascenseur. La poudre pour canon s'écoule et refroidit l'ambiance. Avant la fin du match, beaucoup sont sur la touche. Derrière la ligne blanche, dur à assumer, à éviter. Car c'est trop tentant. La fumée, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est plus drôle, on se force même quand on rigole. On veut mourir jeune pour imiter nos idoles. Extase et ecstasy, l'esprit en cellule. Overdose d'une fille, le père lui a du mal à avaler la pilule. Apologie du fric dans les clips, le bling nous fait saliver. On perd le sens de notre regard dans la télé-réalité. Génération McDo, match au chômage, on est tous rivaux. On vide les poches de nos jeans pour s'en acheter des nouveaux. Pas de mea culpa, nous le soir, on se couche tard. On tire des taffes pour oublier qu'on n'en trouve pas. Jeunesse influençable, en zig, en sable. Problème de santé normal, y'a le mal gros dans le sac. À 15 ans déjà en boîte, on s'en fout, nous on s'éclate. D'abord on s'aime puis on se casse. Derrière nos vices, nous on se cache. Jeunesse influençable, en zig, en sable. Problème de santé normal, y'a le mal gros dans le sac. À 15 ans déjà en boîte, on s'en fout, nous on s'éclate. D'abord on s'aime puis on se casse. Derrière nos vices, nous on se cache. est-ce ma parano ou est-ce que les gens naissent inégaux? Est-ce que nos richesses remplissent l'assiette du mesquin? Est-ce ma parano? Bien sûr que c'est ma parano. Chaque semaine des centaines d'obsèques, d'obsèques. Combien de grossesses dans le lavabo? La crèche au tribunal, mais est-ce qui blisse nous accrocher? Ma vie intime, un ring, j'esquive les télécrochés. Chaque flèche que Cupidon a décoché, ricoché sur le béton armé, acharné, rien ne peut me charmer. Une lente agonie, c'est le rythme auquel ils bousillent nos vies. Se sont mis en tête de vue les nos filles. Pâle copie de Grey's Anatomy. Vacances en France, pas de chance. Pas le même sens de colonie. Moi je ne pense qu'à venger mes sens. Être débranché, cette année tout qui. Fanatique que bombe humaine, je dégoupille. Qui pleure des larmes du Mississippi. Mon petit pays comme mon Blackberry dans leur catégorie manque d'autonomie. Parano où y'a anomalie. Rappelle-moi qui soutenait Ben Ali. J'suis fils de France, Sénégal ou Mali. Descendant de Tessi, descendant de Momi. Hey. Parano regarde nos canaux, aucun euro, aucun diplôme, aucun de nos gamins n'aime la zone euro. Ne parle pas le bonobo mais catalogué animaux autonomes. Pour des négros ne sait que dans les tribunaux. Debout dans les tribunaux, les derniers seront le numéro uno. La vérité en produit dérivé, la qualité, il record you know. La paix c'est dangereux, ne donne pas le calumet un cancer. C'est l'État qui nous crache à la face, qui nous braque. Combien assassinés par des gens comme eux. Parano, je pense que je préfère la solitude de ma négritude. J'ai la certitude que c'est le mieux. Car pour se haïr, il faut être deux. Ma parano, je suis parano. Ma parano, parano, je suis parano. Est-ce ma parano ou est-ce que l'on est complice? Les miens vivent du racket comme Gaël mon fils. Le tiers est sur disque, éphémère, faut que t'établisses un lien de parenté. Peut-on douter mort et vie, son père et fils? Est-ce ma parano? Pile life, ça reste incertain. Qu'ils aillent au diable, il n'y a qu'un tiers monde pour combien de guerlins? Bien que c'est le bordel, imagine une bagarre générale dans le roi Merlin. Froid, je me sens allemand. Mamadou Berlin. L'erreur qu'on a fait, confond pas Twitter, la colombe de la paix. Je suis fils d'esclave, ma communauté, mon mentor Alassane Kunta Konaté. Manipulé, libre et menotté, où est-ce que c'est ma parano? L'actualité zappe le Burkinabé, mais pas le iPhone Nano. C'est le pauvre qui bosse, c'est le riche qu'en poche. Et mon pote, c'est une forme d'injustice, la taille du bidari grosse. La riposte, parano, je referme les portes. Je referme les portes, je crève un port. Ma parano, ma parano, je parano. Parano, parano, parano, parano. Ma parano, je parano. Ma parano, parano, je parano. Tiers monde dans la nocturne, ma parano. C'est extrait de son projet Toby or Not Toby, Moroboro. Tiers monde dans la nocturne, ma parano. C'est 100% rap français, ça continue avec du son d'Aliem. Maintenant dans la nocturne, c'est extrait de son projet Violence Urbaine 4. 100% rap français. 100% explicit lyrics. On m'appelle Eminem, le Chebani, j'ai rien à voir avec Tony ou Mani et leur vieille mamie. J'viens foutre le sbeul avec ma compagnie. C'est tout seul, c'est ta famille. Chez nous, y'a pas de brani. Le jour et la nuit, on traîne, on se traîne dans des plans foireux. Ici, c'est la foire au 2-2, on bouge ton bœuf. On fout le feu pour que l'État nous entende. Arrête de se faire mettre à la mort par la bâche et leur putain de bande. On se demande si un jour, on va s'en sortir avec nos trafics merdiques et nos vols à à la tire, le pire est à venir, ouais, ça je le sais. Car dans le ghetto français, on a vu comme Florence Ray, venimeuse comme une raie, la planche coupée à la craie. Il paraît qu'avec elle, tu fais du bif dans les rues du marais. Y'a de quoi devenir taré, alors mieux vaut être paré. Préparé à tout, vu qu'on est tous mal parés, c'est fou. Ce qui peut nous arriver en 24 heures, malheur, bonheur, horreur comme les Jackson en mode thriller. Dealer du shit depuis petit, rare dit depuis petit. Je veux pas finir comme Old Dirty. Ma patrie, c'est la rue. Ouais, qu'est-ce que t'as cru ici? C'est cru ici dans le bitch, tu pues. On te la met dans le cul. Ça tue pour des euros, même pour une Malboro. J'suis là pour arracher les couilles du taureau. Alors écoute, blaireau, y'a pas de king, y'a pas de héros. De nos jours, rares sont les vrais héros. Souvent on en fait trop, pour pas grand chose. Seul dans mon hall, j'psychose. Enchaîne dose sur dose. J'cause des dégâts méga. Voilà en mode PK dégâts. En mode RS4, chercher un bloc de bon tagas. Hardcore comme les mangas, Bergira, on abaisse, même Nikita on abaisse. Façon même tout seul on se pèse. Je veux du pèse vite et partir d'ici. Direction Tizi Ouzou, oui enfin j'aurais réussi. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mec, à part que jusqu'à la mort, j'enculerai les décassettes. Et ça depuis l'époque des cassettes. Violence urbaine, bienvenue sur la planète Naked. Gradure, Black Brut et Cozy SMS remix dans la nocturne. C'est 100% rap français. Mettez bien fort dans les bagnoles là. Allume sa mère sans sommation, un autre soleil. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation, un autre soleil. Les garde-côtes, je suis un pirate, Jack Sparrow. Comme chaque matin, moi j'ai paro. Amener CC, j'ai des bons tarots. En cellule refraîche, je deviens paro. On a la technique pour les faire bouger. Les feux sont ouverts, il nous reste plus qu'à pousser. La reconnaît Niama, moi j'ai rien à me reprocher. À 92 km de la bouger. Aussi, gradure, on vient filmer vos projets. Hôtel et saute, plus qu'à brin au QG. J'envoie des pics à CP des drapeurs, y'a pas d'accusé. Fuck le game, moi je suis pas là pour m'amuser. AZ ne baisse que sans pas vous se faire sucer. Ils veulent monter sur la lune, ils ont même pas la fusée. Un sacré pédigré, plus d'une fois on m'a saccagé. Gros cerveau, tête du réseau, appelle-moi gagé. Je vis grave, jamba, voiture, cagé. Je marche sur ton rap à l'eau, car j'ai pas. J'ai galéré pour être là, donc je pas rager. Escrime un béboundélé, personne âgé. Chacun son tour, nous sommes tous des passagers. Pense à effoler au lieu de plager. Sur ton propre terrain, je t'ai piégé. Je reviens magique comme le PSG. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation, un autre soleil. Ils Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faits comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Non, non. Cosy, attends, n'enlève pas les poids, il me reste encore toi, si. Maman, comment faire confiance aux femmes, heureusement qu'il me reste encore toi, chérie. Hey, rap, musique, boîte, fusil, j'en fais la guerre avec mes poings. Avec mes poings. Compose entre hommes, non, ne se mélange pas avec les choix. Tu auras beau poser dans la semaine, hey, tu resteras un rappeur du dimanche. Radure, killer, qu'on leur met la pression juste en leur tapant des petites danses. Je pose avec mon gars, maman chégué. Range tes pieds jaunes, c'est pour Bernadette. Avec tout faut sortir le chéquier. Je ne veux pas être le prochain rappeur qui perd la tête. Mais qu'est-ce qu'il cherche à concurrencer? T'as la mazobé, la malade. Viens sous ma semelle, c'est sous Fat Jordan 11 que tu vas finir ta balade. Vos avis, vos critiques, vos blabla, foutez-les-vous bien dans vos rêves. La plupart des rappeurs te sucent depuis que Cop t'a validé. Et bravo Moré. Bravo Moré. Bravo. Bravo Moré. Bravo. Au passage, poupée, tu m'as fait un sale coup à la Joko. À la Joko. Je pensais voir une belle tisse, mais no gando, pas qu'on a qui Joko. Attends, c'est quoi le délire, sereine, tu as honte de ta peau. Tu crois que t'éclaircir te fera avoir moins de râteaux. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Encore un Z de plus qui me souffrait, c'est dans le mal des sous. C'est sous nos semelles que tu finiras si tu me dois des sous. Encore un Z de plus qui me souffrait, c'est dans le mal des sous. C'est sous nos semelles que tu finiras si tu me dois des sous. Sous ma semelle. La dure cosy, oh, tu finiras sous ma semelle. La brute aussi, oh, tu finiras sous ma semelle. La Nocturne 100% rap français, Black Brut, Gradure et Cosy dans La Nocturne 100% rap français. Cosy qu'on va retrouver maintenant. Cosy et le poteau tout de suite. 100% rap français, 100% explicite. Merci. On est derrière la cam. Normal qu'on soit mortels, nous sommes que des terriens. Bientôt nous serons tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui y'a ma, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes ivoiriens. Normal qu'on soit mort. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui y'a ma, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes ivoiriens. Totoye poto toko, bon ma bangonio, so bobé, t'as ma beaucoup. La chance m'a donné ça, te j'avoue, la fée dans le maçon. Clique droit sur Google, ma chérie, si tu veux ma photo. Mouta c'est qui s'engate à l'obanangate, non, moi je ne suis pas leur poteau. Avant y'a ma banne en banque, tu t'avais pas entendu de rap de Z, donc pas de quiproquo. Tu me demandes comment je vais la santé, la famille, je te reprendrai qu'elle n'a à Sakitoko. Ma petite bakoli, rien à foutre, n'yama, n'a kové, ta bango, ma fimou, y'a moukolo. Ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, n'a n'a ça, moi n'a coco. Je te suivrai jusqu'à la mort, petit bâtard, si tu me dois d'un bongo. J'en place une pour mes agro mili, basolo, rudaille et mes mogos. J'en ai son mis appui dans la boîte à gants, toi t'en as dans le zolo. J'ai inspiré plus d'un dans les bivas, ouais, n'y'a ma base à bateau. Naïe Pona braque le rap game dans tout le monde, ma boco licolo. Non, non, t'es pas un suceur de buzz, mon négro, t'as suceur de goro. La zane des Tindoki, quand je démarre à Kutri, je ne peux pas m'arrêter. Comme dirait mon yama, mon poteau Falina, ne s'est lié, Ingueta. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici bas y'a que l'homme qui a peur, oui Niama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes Ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, ego, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici bas y'a que l'homme qui a peur, oui Niama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes Ivoiriens. Baby saki bango bis otobeta ka rap ya mikolo bafingi batongi mendule na bango za sola libolo flogo la fere to komema bango nyoso likolo mikolo basala ki wapi na tangwa chege en la defense e poka bazulu na den mouk suis moi la big de tish mbok avant dans la messe de compagnie babok après lundi kula donc il faut de doc je fais du salo rap français maintenant je rappe en ingala ingala ils me prennent pour un vieux deuxième et je traîne avec Janen Villa. Ils me comprennent ap comme un sable, je vais terminer comme présent loi loi. L Kwanga ma dessous, fumwa ndunda ma kissa moussaka. Poison mon poutou. Toko liaba momina binotou. Détesté parce que je suis partout. Poison cosi rap ya boutou. Where else? Koko kabi sauté. Oyueta, Ingeta. Tina bisona ma boko sabi. Bako mega kato soa. Bata. Bako koko kabi sauté. Oyueta, Ingeta. Tina bisona ma boko sabi. Bako mega kato soa. Bata.